Bonjour. Les week-ends du 15 et 16 avril 2017, la ZAD de Notre-Dame-de-Lande a l'honneur d'accueillir une exposition d'œuvres zapatistes dont la plupart ont été réalisées à l'occasion du festival Comparte, partage, par les communautés elles-mêmes. Il y aura des peintures, il y aura des projections, il y aura des rencontres, en particulier le 15 avril. Le samedi 15 avril, à 18 h au Talus, il y aura la présentation de Jérôme Bachet et de Rocio Martinez sur l'expérience d'autonomie zapatiste et sur les enjeux d'une création artistique dans la lutte. Donc, à cette occasion, je vous lis un article paru dans le numéro 152, le numéro du mois de mars 2017 de CQFD, ce journal que je vous conseille fortement et vraiment avec plaisir. Je vous conseille vraiment de le lire, voire de vous abonner pour les soutenir, parce qu'ils n'ont même pas de pub et tout, et que chacun de leurs numéros contient plein de perles et plein de ressources. Donc cet article. Non-candidature indigène contre projet de mort. La proposition zapatiste d'une candidature indigène aux présidentielles mexicaines de 2018 aura surpris tout le monde, à commencer par les membres du Congrès national indigène, le CNI. Mais la force de l'armée zapatiste, le ZLN, n'est-elle pas d'être toujours là où on ne l'attend pas? Et d'ailleurs, sera-t-elle vraiment de la partie électorale? CQFD a envoyé deux reporters dans les montagnes du sud-est mexicain pour tirer cette histoire au clair. Aguas Azules, Chiapas, México, le 9 janvier 2015. Les communautés Tzeltal, acquises au zapatisme, bloquent la route d'accès à cinq magnifiques cascades. Là, où les touristes ont pour habitude de se baigner avant de repartir avec quelque artisanat local, le gouvernement mexicain a en projet des complexes hôteliers luxueux et des golfs, après spoliation des territoires indiens. Il envoie donc 1 000 de ses militaires, tirés à balles réelles, sur toutes ces familles imprudentes qui veulent rester maîtres de leur demeure. 2 ans plus tard, au pied des cascades, nous croisons un artisan. Ils peuvent toujours revenir et ils n'auront pas nos terres, nous dit-il avec assurance. Son regard, pourtant paisible, pèse autant qu'un communiqué. C'est comme ça partout, tout le temps. Quand l'État mexicain décide de développer un territoire indigène, il enlève, torture, emprisonne, viole ou livre aux narcos les récalcitrants. Ici, tout le monde se souvient des 43 étudiants d'Ayotzinapa toujours portés disparus. Depuis 2009-2010, la violence d'État a explosé, nous explique Oscar, libraire de la Cosecha à San Cristóbal de las Casas. On ne peut plus parler de guerre de basse intensité comme on le faisait il y a 20 ans, mais de guerre asymétrique. Ici, la moindre patrouille de police municipale ressemble à un commando de force spéciale. Et pas seulement au Chiapas. C'est contre ces violences impunies et la militarisation galopante du Mexique que le Congrès national indigène, appuyé par le ZLN, se présente aux présidentielles de 2018, comme le dernier moyen de résoudre à peu près pacifiquement la question des spoliations et violences faites aux Indiens. À ceci près que ceci n'est pas une candidature. C'est un coup d'échec. Passée la surprise de l'annonce, alors qu'on en était resté à la position zapatiste d'un rejet définitif de toute la classe politique, les sous-commandants insurgés Galeano et Moïse doivent mettre les points sur les i. Le CNI et le ZLN ne gagneront pas les élections, tant la fraude n'est pas une anomalie du système électoral mexicain. Ici, une voix s'achète avec 500 pesos, équivalent de 25 euros. Ils disent surtout que s'ils gagnent, ils ne pourront rien faire de transcendant, car là-bas, en haut, il n'y a rien à faire. Mais alors pourquoi, est-on en droit de demander? Ce qui compte finalement, c'est le défi, l'irrévérence, l'insoumission, le dynamitage de l'image de l'indigène objet d'aumône et de pitié. Cette citation renvoie à un communiqué de l'EZLN, une histoire pour essayer de comprendre, en date du 17 novembre 2016. Certes, la candidature sera portée par une femme, plus qu'un symbole au pays des féminicides massifs et banalisés. Mais elle le sera surtout par un conseil indigène de gouvernement représentatif de ces Mexiques d'en bas à gauche, comme on le dit dans les bistrots de San Cristobal. Quand bien même le gouvernement mexicain utilise le repoussant Donald Trump pour faire la diversion, l'ennemi reste Peña Nieto, le président mexicain. Et c'est bien ici que les indigènes font face aux mensonges et aux vilainies racistes et misogynes colportées par les médias qui ne savent pas lire un communiqué. Ceci n'est pas une candidature zapatiste. C'est celle de milliers de communautés indigènes qui, contrairement à l'image qu'on voudrait bien garder d'elles, n'ont pas besoin d'être manipulées par une obscure avant-garde pour penser stratégie. Certes, l'idée vient de l'EZLN, mais elle a été discutée pendant 3 mois dans tout le Mexique par des communautés qui n'ont rien à envier aux zapatistes. C'est ainsi que nous le raconte le compañero Siete Nubes du comité de soutien au peuple du Chiapas en lutte, le CSPCL. Le CNI a une longue histoire de 20 ans et il regroupe de nombreuses communautés indiennes de tout le pays, avec des expériences de lutte extrêmement fortes et totalement autonomes dans leur mode d'organisation par rapport à l'EZLN. Les Yaqui, les Cheran, Ostula, Xochicuautla, Amitzingo, les Chianatec, les Mayas du Yucatán, Tila, les communautés du Guerrero et beaucoup d'autres. Chacune avec ses combats, ses morts, ses disparus, son histoire de récupération des terres, d'organisation communautaire autonome, ses propres langues, usages, traditions. Cette candidature dépasse donc le seul Chiapas et se différencie de tout parti politique. Le but n'est pas d'être élu, mais de continuer à inventer une autre réalité. En effet, ceci n'est pas une promesse de changement, comme le ferait n'importe quel sauveur charismatique de la gauche, du genre de ceux qu'on retrouve au Mexique ou en Europe. Quand ils prétendent démontrer le pouvoir d'en haut pour le reconstruire en bas, ce n'est pas un programme, mais une réalité qui veut se faire connaître à travers toute la géographie américaine, des Sioux du Dakota au Mapuche du Chili. Comme l'affirme Jérôme Bachet, rencontré à San Cristobal, cette candidature ne signifie aucun renoncement à l'autonomie. Elle est un moyen de trouver un biais offensif et défensif pour permettre aux communautés attaquées par l'État et par les narcotrafiquants de se retrouver et de tisser des liens. Le but n'est pas d'être élu, mais de continuer à inventer une autre réalité. Passer par un village zapatiste, c'est croiser une école et une clinique autonome, mais aussi une junta de buen gobierno, dans laquelle le peuple commande et le gouvernement obéit. Pour programme, il y a donc 23 ans de rébellion zapatiste, 500 ans de résistance indigène. La campagne aura pour enjeu principal de faire connaître ceux qui s'organisent déjà et de sortir de la marginalisation médiatique et politique. Ceci n'est pas un projet de gouvernement indigène de développement. Comme le craignent les plus farouches anti-électoralistes, partout et de tout temps, disions-nous, l'État mexicain attaque les Indiens et les évince de leurs terres. Mais que ce soit contre des projets miniers ou de gazoducs dans le Michoacán, que ce soit les Mayas contre l'agriculture transgénique dans le Yucatán, ou contre des projets d'autoroutes et d'hôtels dans le Quintana Roo ou dans le Chiapas, les communautés ne luttent pas contre ce qu'elles appellent des projets de mort, pour les gérer en elles-mêmes et en récupérer les fruits pourris. Les Indiens sont attachés à ce qu'ils appellent leur terre mère, nous rappelle Oscar. et ils entretiennent avec elle un respect mutuel et un équilibre dicté par une cosmologie qu'un occidental peine à saisir. Pour reprendre les mots du compas du CSPCL, les gens qui vont arriver au Conseil indigène de gouvernement, c'est Tila, qui a brûlé et détruit son palais municipal après en avoir chassé les fonctionnaires. C'est Cheran, qui a pris les armes contre les narcos et banni les partis politiques au profit d'un gouvernement collégial nommé par Assemblée de quartier. C'est les Yaquis et leur gouvernement traditionnel. C'est Xochicuautla, qui avait créé sa communauté autonome. Bref, pas vraiment des courtisans de palais. Ceci n'est pas un article sur une candidature ou une non-candidature d'un groupe armé ou d'un groupe armé qui soutient un conseil indigène ou d'autres choses encore. C'est plutôt, si l'on a bien saisi les motifs du CNI et de l'EZLN, une occasion saisie de profiter du coup de projecteur porté sur le Mexique pour faire part de ses expériences d'autonomie et de résistance qui sont, peut-être, plus puissantes ici que nulle part ailleurs dans le monde. À la dépossession, au saccage environnemental et culturel, à la prolétarisation. Avec, aussi, quand même, des doutes, comme ceux qu'émet Felipe de l'association Espoir Chiapas. Voyons s'ils vont réussir à se rapprocher des groupes de lutte citoyenne et des syndicats. Voyons s'ils vont réussir à rassembler au-delà du CNI. Et faire de cette lutte, contre le système monde capitaliste, comme on dit ici, une lutte universelle qui dépasse la question indienne, tant le rouleau compresseur industriel détruit le monde partout et tout le temps. Parole de non-indigène de passage dans le sud-est mexicain et en lutte contre le système monde depuis le sud-est des Flandres. Par Tomjo et Louise Wally. Et l'illustration dans le CQFD donc de mars 2017, elle est de Nadia Bertz et elle est très chouette. Voilà. C'est le texte que je vous proposais aujourd'hui. Il y en aura d'autres dans la semaine jusqu'à ce qu'on se retrouve, car j'y serai le week-end du pardon, 14, 15, 16 avril sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes pour découvrir l'exposition Comparte et pour échanger, partager avec les personnes qui viendront représenter ou parler surtout de l'expérience zapatiste que sont Jérôme Bachette et Rocio Martinez. Ah, excusez-moi pour le bafouillage final. Jérôme Bachette et Rocio Martinez. Voilà, sur l'expérience de l'autonomie zapatiste. À très vite.